Bonjour à tous, c'est une tradition en octobre, les protestants célèbrent chaque année la fête de la Réformation. Cette fête vise à commémorer la réforme qui toucha l'Europe au XVIe siècle. Les causes qui ont provoqué la fracture du christianisme occidental à cette époque sont multiples. Mais la cause immédiate, qui peut être considérée comme l'acte de naissance de la réforme, est le geste de protestation de Martin Luther le 31 octobre 1517. Lors de la fête de la Réformation, les protestants font mémoire de ce geste de Luther qui, avec ses 95 thèses, dénonce le trafic des indulgences. Rappelons que l'indulgence est une remise de peine que l'Église accordait aux pécheurs pardonnés, une pratique ancienne qui s'était dénaturée, si bien qu'au XVIe siècle, la vente et l'achat de ces fameuses indulgences étaient devenues monnaie courante. Pour évoquer le sens de cette fête de la Réformation, retrouvons Jean Dietz, pasteur de l'Église réformée de France. Elle se fête en général le dernier dimanche d'octobre, ou plutôt le dimanche le plus proche du 31 octobre. Alors pourquoi cette date ? C'est assez simple. On commémore la Réformation et il a fallu choisir un événement, on va dire réel ou supposé. Enfin, il a fallu choisir un événement dans le commencement, si possible, de l'âge de la Réforme, qui soit, semble-t-il, significatif. Qu'est-ce qui a été trouvé ? Eh bien, on a trouvé le 31 octobre 1517, et ça s'est passé à Wittenberg, et c'est connu comme la date de l'affichage des 95 thèses. Donc c'est Luther, ça. C'est du Martin Luther, sous le titre « Controverse destinée à prouver la vertu des indulgences ». Alors, c'est une sorte d'anti-titre, puisqu'en l'espèce, c'est pas tant la vertu qui va en être prouvée que l'inutilité, et il va être exposé, argumenté, que il n'est pas lieu de se procurer des indulgences pour aller soit au paradis ou pour y envoyer quelqu'un que l'on souhaite y envoyer, parce que nous ne pouvons rien faire pour plaire à Dieu, en substance est-il dit, lequel nous sauve par sa pure grâce. Une contestation assez radicale de l'appareil et du fonctionnement et de la médiation ecclésiastique du temps. Donc ça, c'est vraiment le départ de ce qu'on appelle la réforme. Oui, c'est ce que l'on a en mémoire. Mais je vous disais, d'abord, il y a eu d'autres moments réformateurs à telle ou telle période et dans tel ou tel lieu de l'Église. Et ces idées, alors les réformateurs feront bien attention à bien montrer que ces idées ne sont pas nouvelles, qu'elles sont aussi anciennes que l'Écriture sainte, et en plus aussi ancienne que les pères de l'Église. C'est-à-dire qu'ils reviennent aux textes originaux, à saint Paul oui, notamment, absolument. Le discours sur la grâce. Exactement, enfin, et en particulier ce monumental Romains 1, versets 16 et 17, qui, dira Luther beaucoup plus tard, est la clé, le verset sur lequel il a, on pourrait dire, buté longtemps, et sur lequel ce passage à cette idée de la grâce seule s'est fait pour lui. Alors, cet événement, cet affichage, provoque une sorte de tumulte provoque surtout un effondrement extraordinaire de la vente des indulgences, d'où contestation, débat, procès, contre-procès, excommunication, etc., etc. Donc la date, c'est le ? Alors, c'est le 31 octobre 1517, nous disent les historiens, mais qui sont pas toujours d'accord sur tout, mais voilà, c'est la date la plus communément retenue pour cet événement-là. Alors, depuis 4 siècles, 5 siècles, on continue à commémorer tous les ans la fête de la Réformation ? Non, ça s'est pas fixé comme ça aussi simplement, parce qu'il y avait d'autres événements, parce qu'il y a eu des hésitations, mais voilà, c'est fixé depuis, pas 4 ou 5 siècles, mais la moitié de ce temps à peu près. Maintenant, avec quelle fidélité, ça c'est une autre affaire. Pour ce qui concerne l'Église réformée de France, je peux dire qu'aujourd'hui, dans la liturgie qui a été adoptée en 1997 par notre synode national, il n'y a pas de liturgie propre au dimanche de la fête de la Réformation. Il n'y a pas de commémoration particulière, de textes qui sont lus de... Alors, il n'y en a pas dans la liturgie, mais il y en avait dans la liturgie d'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi, si j'ose dire, les pères de notre synode ont décidé cela, pourquoi ils l'ont fait ainsi. Mais par contre, on peut très bien, dans les listes de textes que nous recevons, il y a marqué « Fête de la Réformation pour ce dimanche-là ». Alors, on peut très bien lire tel ou tel texte, telle confession de foi de Martin Luther, telle confession des péchés particulièrement dure de Calvin, et puis prêcher sur Romains 1, 16, 17 ou sur Galates 5 sur la liberté du chrétien. Voilà, voilà comment ça peut se passer. J'aime bien parler sur la Réformation au jour du dimanche de la Réformation, quoique je ne le fasse pas chaque année. C'est important pour les protestants, cette date-là, cette commémoration, ou les nouvelles générations s'en fichent un peu ? Alors, je ne sais pas si elles s'en fichent un peu. Je vais finir par croire que je ne suis pas de la nouvelle génération, mais déjà un petit peu âgé, mais il me semble qu'il faut le signaler, qu'il faut en faire mémoire, qu'il faut dire un peu ce que ça signifie, et surtout trouver une actualité à cette affaire-là. Et je pense que l'actualité de cette affaire-là, c'est pas l'Église a été réformée un jour, mais elle a toujours à continuer à se réformer. C'est pas tant la commémoration qui est importante que le dynamisme qui peut s'articuler à cette commémoration. Le magazine écuménique, Béatrice Holtner. Depuis juin dernier, l'Église évangélique luthérienne de France a un nouveau président, Joël Daudeville. Âgé de 55 ans, Joël Daudeville a suivi ses études de théologie à Strasbourg et à Genève. Il a été coopérant en Afrique et a ensuite été pasteur dans plusieurs paroisses du pays de Montbéliard, dont il est inspecteur ecclésiastique depuis 4 ans. Retrouvons Joël Daudeville qui présente son Église. Cette Église comprend deux grandes régions, une région à Paris, et avec un certain nombre de lieux autour de Marseille, Nice et Lyon, et puis une autre grande région autour de Montbéliard, Belfort, dans le nord-est de la Franche-Comté. Et c'est une église qui comprend environ 45 000 membres, qui existe donc déjà depuis assez longtemps. Elle est la réunion de ces deux régions, Paris et Montbéliard, qui s'est faite au lendemain de la guerre de 1870. Un mot sur l'appellation inspecteur ecclésiastique. Vous êtes inspecteur ecclésiastique de Montbéliard. Ça correspond à quoi exactement ? C'est une sorte d'évêque ? Tout à fait. C'est un autre mot pour dire évêque. D'ailleurs, c'est la traduction latine d'évêque. Hein. Épiscope, ça donne inspecteur. C'est aussi pour dire que la façon de vivre cette responsabilité épiscopale dans le protestantisme est quand même différente de celle qui existe dans le catholicisme romain, puisque l'inspecteur ecclésiastique exerce un ministère collégial. Et il est entouré donc d'un conseil synodal, et au fond, aucune décision n'est prise par lui tout seul. Elle est toujours prise par un conseil. Comme le conseil épiscopal, ou c'est différent encore ? Le conseil synodal, c'est différent, je pense. Le conseil synodal est un conseil élu par le synode, qui comprend, chez nous, hein, en France, deux laïcs pour un pasteur. Vous venez d'être élu. Qu'est-ce qui vous tient à cœur pour cette Église évangélique luthérienne de France qui rassemble environ 40 000 membres ? Bien, ce qui me tient à cœur, c'est que notre Église, comme d'ailleurs beaucoup d'Églises, doit toujours se recentrer sur l'essentiel. Alors l'essentiel, à mes yeux, c'est bel et bien la mission, hein, annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, ici et partout. Mais en même temps, se recentrer toujours sur l'essentiel, ce n'est pas opérer un repli identitaire. Moi, je suis très attaché au fait qu'on puisse toujours être mieux en mission dans notre monde, parce que c'est un peu le commandement du Christ, hein, d'inviter son Église à annoncer l'Évangile, à proposer l'Évangile, à proclamer l'Évangile là où nous sommes. Mais en même temps, il nous faut éviter cet écueil d'un repli identitaire qui n'apporte finalement rien au monde dans lequel nous sommes, ni peut-être même aux membres de cette Église. Il nous faut donc nous recentrer sur l'essentiel et être toujours dans le dialogue et l'ouverture avec notre environnement. Joël Daudeville, le nouveau président de l'Église évangélique luthérienne de France, qui succède au pasteur Jean Tartier. Il faut savoir qu'en France, les luthériens sont actuellement en plein rapprochement avec les réformés et que leur synode commun, prévu en mai 2007, pourrait marquer une grande étape pour les deux grandes familles du protestantisme. Joël Daudeville évoque l'enjeu d'un tel rapprochement. Le fait que des églises qui, pendant longtemps, étaient côte à côte, voire même dans un passé assez lointain, assez opposé, le fait de se rapprocher aujourd'hui, c'est aussi le signe que nous souhaitons être plus au service, encore mieux au service, de l'annonce de l'Évangile dans notre pays. C'est déjà le cas entre luthériens réformés d'Alsace-Moselle, puisqu'ils sont maintenant une seule église. Et du côté France de l'intérieur, comme on a tendance à le dire, donc l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France, eh bien nous essayons d'aller beaucoup plus loin, à tel point que l'année prochaine, en mai 2007, les synodes nationaux de nos deux églises vont avoir lieu en commun, ensemble, au même lieu, et on va pouvoir partager sur des thèmes communs à nos deux églises, notamment sur ce rapprochement, mais aussi sur des thèmes plus larges comme la discussion autour de la famille que nous avons engagée dans chacune de nos églises. Que va changer ce rapprochement sur le terrain pour les paroissiens? Alors, sur le terrain, on ne connaît pas forcément, quand on est dans une région luthérienne, les réformés ou réciproquement. Et le défi, c'est justement que les paroissiens, les membres de ces églises, sur le terrain, s'ouvrent davantage à la réalité d'une autre église. Tout ça pour le bienfait, si je pourrais dire, de l'évangélisation et de la mission de l'église. Donc c'est un œcuménisme intra-protestant que vous proposez là? Ah oui, c'est un œcuménisme intra-protestant. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe depuis fort longtemps, hein, on n'a rien inventé. Mais nous souhaitons mettre un pas de plus pour rendre plus visible notre communion, qui a été d'ailleurs véritablement mise en place lors de la Concorde de Leuenberg, qui réunit beaucoup d'églises luthériennes et réformés et méthodistes d'Europe, montrant par là qu'il y a une communion profonde, forte, totale entre ces églises. Et nous avons souhaité, nous, en France, la rendre plus visible encore, cette communion. Le témoignage du pasteur Joël Daudeville, le nouveau président de l'Église évangélique luthérienne de France. Sachez aussi que c'est un évangélique qui devrait présider la Fédération protestante de France à partir d'avril 2007. Claude Batty, pasteur de l'Église évangélique libre, a été nominé pour succéder au pasteur Jean-Arnold de Clermont. Un homme et une femme qui reçoivent une couronne au cours de la Sainte Liturgie, c'est ce que vous pourriez contempler si vous participiez un jour à un mariage orthodoxe. Le rite du couronnement fait partie du mariage célébré dans le rite byzantin. Pour en savoir plus sur la cérémonie et sur le sens du mariage dans l'orthodoxie, je vous propose de retrouver le père Michel Evdokimov. C'est le 8e volet de notre série sur l'orthodoxie. C'est vrai que nous reconnaissons mutuellement le sacrement du mariage, mais c'est vrai que dans l'Église catholique, il y a une différence qui, moi, me rend perplexe. J'en ai parlé d'ailleurs avec des prêtres et même des évêques de l'Église catholique, et en effet, certains sont un petit peu perplexes. Ils n'arrivent pas à comprendre comment, dans votre Église, on a abouti à cette idée que ce sont les fiancés qui se donnent le sacrement du mariage. Quand il n'y avait pas de sacrement, et en tout cas, durant le premier millénaire, il n'y a pas eu cette notion même de sacrement du mariage. Alors bien sûr, un homme et une femme s'engageaient par la parole devant le prêtre qui était le témoin. Mais à partir du moment où cet engagement a été sacramentalisé, en quelque sorte, est devenu un sacrement de l'Église, il est évident que le sacrement ne peut être célébré que par un prêtre. Et c'est ce qui se passe dans l'Église orthodoxe. Oui, absolument. C'est le prêtre qui célèbre le sacrement. Plus précisément, c'est pas le prêtre, c'est l'Église qui, à travers la personne du prêtre, célèbre ce sacrement. C'est pour ça que, là aussi, je demande à mes fidèles d'être présents pour être témoins qu'un amour a été échangé et que cet amour vient de Dieu, et que quand un homme et une femme disent leur amour, eh bien Dieu s'engage dans cet amour. C'est tout ça le sens du sacrement. Alors concrètement, la cérémonie se déroule avec différentes étapes. Alors il y a bien sûr des rites. Nous aimons beaucoup les rites, les symboles, nous avons besoin de cela. Le service des fiançailles, une fois terminé, les fiancés vont prendre place sur un petit tapis. Je ne sais pas si vous savez que chez les Juifs, les jeunes gens se marient sous un dé. Alors le dé qui est au-dessus de leur tête, nous l'avons mis sous les pieds, c'est un petit peu la même idée. L'idée est la suivante, c'est qu'ils sont tous les deux sur le petit tapis, et ce tapis signifie leur vie conjugale, leur intimité. Et personne n'a le droit de voir ce qui se passe, de s'immiscer dans l'intimité du couple. Et en même temps, ce petit tapis, en quelque sorte, il est ouvert au monde, par les quatre angles, les quatre côtés, si vous voulez. Ça veut dire que le couple est invité à s'ouvrir, à recevoir, à accueillir tous ceux qui auront besoin de leur amitié. Je crois qu'il y a là un sens profond de ce qu'est le couple chrétien. Nous avons un autre rite qui est le rite du couronnement. Ah oui, alors ça c'est particulier à l'Église orthodoxe. C'est particulier à l'Église orthodoxe. Le rite du couronnement est accompagné d'une prière qui est encore une de ces prières qu'on appelle épiclèse et qui est une demande adressée à Dieu d'envoyer son esprit. Alors son esprit d'amour pour sceller, concrétiser, pour manifester, pour exprimer dans toute sa profondeur l'amour de ces jeunes gens. Donc ils seront couronnés. Soit que des garçons, des amis bien entendu, mais célibataires alors, c'est la règle, portent la couronne derrière eux, soit que, comme dans les pays tels que la Grèce ou les pays arabes, on met une mince couronne qu'on pose sur leur tête, peu importe. Et la couronne a un double sens. La couronne, elle veut dire « tu es mon roi, je suis ta reine, je te suis soumis, et en même temps, tu m'es soumis ». Oui, réciproquement. Réciproquement. Alors c'est toute la gloire, c'est toute la beauté, c'est la vie dans sa grande manifestation de gloire. Mais la couronne signifie autre chose. La couronne rappelle la couronne d'épines que le Christ avait sur la tête avant de monter sur la croix. Et la couronne est là pour nous rappeler que l'amour conjugal s'accompagne toujours de souffrances. Et que les souffrances sont là pour, en quelque sorte, tester, pour éprouver la solidité et la profondeur de cet amour conjugal. Moi, j'ai vu des jeunes gens qui s'aimaient d'une manière plus ou moins tiède. Et puis voilà que l'un des deux est tombé gravement malade. Et au bout de cette maladie, quand l'autre a souffert, a pleuré toutes les larmes de son corps, le couple était beaucoup plus fort qu'auparavant. C'est comme ça, c'est une des lois de la vie. Et je dis toujours aux jeunes gens que je marie, n'ayez pas peur des épreuves, n'ayez pas peur de la souffrance, mais surmontez cette souffrance. Et alors à ce moment-là, votre amour deviendra vrai, il deviendra profond. Ne croyez pas que dès qu'il y aura un obstacle dans votre amour, quelque chose qui va briser l'harmonie première, vous allez vous séparer, divorcer, comme on dit, et vous allez peut-être trouver quelqu'un d'autre. Et ça recommencera avec l'autre personne. Et il n'y a pas de raison que cela cesse, parce que notre condition humaine est limitée. Et parce que vivre avec quelqu'un, ça pose toujours des tas de problèmes. Un théologien disait que le chemin qui mène au royaume, c'est un sentier qui est très étroit. Et quand on le gravit à deux, il est encore plus étroit. Il y a moins de place. Il y a moins de place. Il y a moins de place, mais il y a beaucoup de joie. RCF. Un mot, Père Michel Evdokimov, sur les prêtres mariés. C'est une caractéristique également dans l'Église orthodoxe. Les prêtres peuvent exercer leur ministère et être mariés. Voilà, un homme marié peut devenir prêtre si lui et son épouse et ses enfants sont d'accord. C'est une chose très importante à savoir. Et c'est la même chose pour un diacre, d'ailleurs. C'est une chose importante, c'est-à-dire que la femme du prêtre partage, en un sens, ce ministère pastoral de son mari. Et c'est de s'aspect à deux. Oui, en un sens, oui. Il y a un support mutuel. Oui, il y a un support mutuel. Et moi, je le vois dans ma paroisse. Il y a des choses que certaines personnes diront à ma femme plus facilement qu'à moi. parfois ma femme attirera mon attention sur tel ou tel problème d'ordre psychologique ou tel aménagement dans la vie de la paroisse, parce qu'elle est femme, elle a une manière un petit peu différente que moi de voir les choses, et il y a toujours cette complémentarité qui existe infailliblement, immanquablement entre un homme et une femme. Mais on dit parfois que un prêtre doit être disponible, ça prend du temps d'exercer ce ministère auprès des personnes oui. qui l'accompagnent. Et dans l'Église catholique, parfois on dit justement qu'il faut une totale disponibilité et que peut-être qu'un prêtre non marié est plus disponible. Vous pouvez dire cela. J'aimerais que vous interrogiez mes paroissiens. Je ne suis pas sûr que vous auriez une réponse allant dans ce sens. Je crois qu'au contraire, pour eux, c'est une grande joie d'être reçus chez un prêtre marié, dans un foyer, si vous voulez. Quand ils viennent ici pour parler avec moi, pour se confesser, ici, dans notre maison, qui est assez grande, se font les répétitions de la chorale, les catéchèses, des enfants, des adultes. Bon, c'est une maison où il y a un homme et une femme qui les reçoivent. Alors, est-ce que je suis moins disponible? Je ne sais pas, pour certaines tâches, ma femme est très présente et un prêtre catholique aussi, il a des tâches à assumer tout seul. Et c'est parfois pas très facile de porter le poids de sa solitude, comme vous le savez. Peut-on se remarier lorsque non. l'on divorce Non, on imaginerait difficilement un homme revêtu d'une soutane faisant la cour à une femme. Excuse-moi de le dire de cette manière. La discipline de l'Église veut que un prêtre doit épouser une femme qui n'a pas été mariée auparavant. Une femme divorcée, par exemple. Bon, une veuve, ça pourrait aller. Mais une femme divorcée, normalement, un prêtre, sauf exception. Ayant épousé une femme divorcée, normalement, cet homme-là ne peut pas devenir prêtre. Et je parlais pour les couples, par exemple, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Si vous êtes amené au divorce, sans être prêtre, hein, mais si vous êtes amené au divorce, est-ce que vous, il y a une possibilité de remariage, non? Ça c'est un autre problème. Oui, c'est le problème du divorce que vous posez en général. L'Église orthodoxe, comme l'Église catholique, dit que le mariage est indissoluble. Et même nous irons plus loin que vous. Vous dites qu'il est indissoluble jusqu'à la mort, mais nous disons qu'il est indissoluble même au-delà de la mort. Le oui que s'échangent les fiancés le jour de leur mariage est un oui qui résonne dans l'éternité. Une fois que vous avez dit cela, vous pouvez avoir le spectacle de couples qui se sont déchirés et qui se sont séparés. L'un a refait sa vie de son côté, l'autre a refait sa vie également de son côté. Alors qu'est-ce qu'il reste du premier couple, du premier mariage? Il reste évidemment un engagement et ce oui dont je disais qu'il résonnait jusque dans l'éternité. Mais l'Église orthodoxe va se pencher avec compassion d'abord sur le conjoint innocent, ou disons, il n'y a pas de conjoint entièrement innocent. Les deux partagent une certaine responsabilité. Mais enfin, il est évident que s'il y a, par exemple, un cas d'adultère, il y a un conjoint qui est innocent. Et enfin, s'il y a un conjoint qui est innocent, dans ce cas-là, il pourra ou elle pourra se remarier. Si l'autre se repent de son adultère et désire faire sa vie, il est très possible que l'évêque va lui dire « Écoute, tu vas faire pénitence pendant tant d'années et ensuite je te remarierai. » C'est possible. Mais voyez, il faut prendre en considération la faiblesse humaine. Le père Michel Evdokimov, auteur du livre « Ouvrir son cœur » paru aux éditions Des Clés de Brouwer. C'est la fin de ce magazine écuménique. Merci à Christophe Morag pour la mise en onde. Cette émission est disponible sur cassette ou CD.